Pendant les journées All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Sillonnez la ville avec l'Audi A1, appréciez le dynamisme de l'Audi Q2, admirez le design audacieux de l'Audi Q3 et la polyvalence de l'Audi Q5. Jusqu'au 16 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur le financement, l'entretien et la garantie sur ces modèles en quantité limitée et disponibles immédiatement. Offre réservée aux particuliers, voire détails et conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un malheur qui a plongé un village de l'Est de la France et tout le pays dans l'effroi. Un matin de décembre 1956, on découvre dans un fossé le corps d'une jeune femme enceinte assassinée. Le lendemain, un homme avoue le crime. Il s'appelle Guy Desnoyer, c'est un prêtre. Si au lendemain des faits et lors du procès en France et à l'étranger, l'affaire a fait un grand bruit dans la presse, on ne trouve aucune archive radiophonique, télévisuelle ou cinématographique sur ce drame, idem pour le procès. Pour illustrer cette histoire, nous avons fait le choix de faire lire à des comédiens différentes déclarations retranscrites dans la presse. Vous n'entendrez donc ni la voix de l'abbé, ni celle de ses victimes. De toute façon, l'affaire Desnoyer est une histoire où se confrontent les silences. Le silence d'un village qui n'a pas su faire face au curé et à ses déviances, le silence de l'église qui a préféré les prières aux témoignages à la barre, et enfin, le silence de l'accusé. Depuis cette nuit d'hiver 1956, cette affaire effraie autant qu'elle fascine. Beaucoup d'auteurs s'en sont inspirés d'ailleurs, à la fois du drame et du personnage. En 1967, un court-métrage avec Bernadette Lafont s'inspire de l'histoire entre Régine et le curé. En 1969, Roger Planchon signe une pièce intitulée « L'infâme » qui fait scandale. En 2015, c'est Melville Poupeau qui joue le rôle du curé dans un long-métrage de Philippe Ramos intitulé « Fou d'amour ». Pourquoi l'histoire de ce prêtre assassin fascine-t-elle autant? Quel est son parcours? Pourquoi a-t-il tué? Notre invité aujourd'hui, Anne Philibert, auteur du livre « Des prêtres et des scandales » paru aux éditions du Cerf cette année. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INLA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Schlegle et Hélène Biziot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1956, Uruf, 392 âmes, 40 km au sud-ouest de Nancy. Dans ce village, cette nuit-là, les cloches sonnent. À l'intérieur de l'église, au bout de la corde, tirant de toutes ses forces pour réveiller les alentours, l'abbé de la paroisse, Guy Desnoyer. La veille, jour d'office, en haut de sa chaire, il avait prévenu ses fidèles de son absence. Il devait se rendre auprès de sa famille, qui vit un peu éloignée du village. En cas de problème, certains d'entre eux connaissent le numéro de téléphone de son frère. C'est ainsi que ce 3 décembre, à 22h, le repas de l'abbé et de sa famille est interrompu. On apprend au bout du fil au curé que Régine Faïs, une jeune fille de 19 ans, enceinte de 8 mois, n'est pas rentrée chez ses parents. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à l'épicerie avec sa sœur. À la sortie, Régine a prétexté une dernière course qu'elle devait faire, seule. Depuis, elle n'est pas réapparue. Dans ce village, comme dans la plupart des bourgs de France, c'est souvent vers le curé du coin qu'on se tourne en cas de problème. Par chance, Guy Desnoyer a une voiture, une 4 chevaux. Il annonce donc son retour pour aider la famille. Dès son arrivée, avec d'autres proches de Régine, il fait une première reconnaissance autour du village, mais il ne trouve rien. Dehors, la neige recouvre les plaines, et l'inquiétude grandit. Vers minuit, l'abbé prévient le maire et lui demande l'autorisation de sonner le tocsin. Maison après maison, les habitants descendent vers le centre du village et se rassemblent autour de l'église. L'abbé est là, et il annonce la disparition de Régine, puis organise les secours. En quelques minutes, le ruf se vide. Munis de torches et de lampes, des petits groupes se forment et se dispersent dans la nuit. Peu à peu, on entend s'éloigner le son du cri des habitants qui appellent la disparue. L'abbé, lui, reprend sa voiture et roule en direction de Pagny-la-Blanche-Comte, une commune voisine. Il passe devant le calvaire proche du village. Dans la voiture, chaque passager scrute l'horizon et les bosquets. Une fois, puis deux, là, l'abbé a cru voir quelque chose. Il stoppe le véhicule, l'un des passagers sort, un cri s'élève. L'abbé le suit, puis il tombe à genoux, car Régine est là, sur le dos. Derrière ses cheveux, une auréole de sang recouvre le sol, elle a le ventre ouvert. L'enfant est à côté, mort-né, le visage tailladé. Face à l'horreur de la scène, l'abbé prie et prononce la prière des morts. Que s'est-il passé? Quel diable a-t-il pu commettre un tel acte dont la barbarie dépasse l'entendement? Cette nuit-là, au petit matin du 4 décembre, une nouvelle fois, les cloches sonnent pour annoncer qu'il est désormais trop tard. Régine n'est plus. Dès les premières heures de la matinée, le parquet de Toul et la brigade de Nancy se rendent sur place. Ils découvrent un village groggy. Ces hommes qui ont marché dans la neige, cherchant en vain la petite du village, ne sont plus que des pantins assis aux tables du café. Choqués, silencieux, ils se sont murmurés l'état du corps de Régine et de son enfant. Elle avait 19 ans. Comme son père, elle travaille aux verreries de Vannes-le-Châtel. Au printemps, son ventre avait grossi. Le père était inconnu, mais ses parents avaient accepté l'idée de lui ouvrir leur foyer. Le coupable est-il le père inconnu? Sans doute. Seul, à une table, l'abbé murmure. Je connais l'assassin. Je sais la vérité. Mais je ne peux rien dire. Je suis lié par le secret de la confession. Étrange confession d'un homme qui a pourtant cherché Régine une partie de la nuit. Quand les enquêteurs interrogent les gens du village, on leur répète évidemment les mots de l'abbé. Devant les inspecteurs, Desnoyers confirme ses propos. Oui, je sais. Mais je n'ai pas le droit de parler. Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous n'avez pas à chercher à Uruf. L'assassin n'est pas d'ici. Pour les inspecteurs, quelque chose cloche autour du curé. Pour eux, bien qu'abbé, il est un témoin comme un autre. La soutane, la croix, les figures religieuses ne sont que les apparats d'un pouvoir qui ne permettra pas au prêtre d'échapper aux questions des inspecteurs. De plus, loin du confessionnal, certains habitants révèlent aux enquêteurs les liens entre Régine et l'abbé. Oui, il aurait été son amant, comme celui d'autres filles d'ailleurs, d'autres filles de la paroisse. Mais ce n'est pas parce que l'homme d'église a rompu ses vœux qu'il a tué. À côté du corps de la victime, les inspecteurs retrouvent une douille d'un calibre 6 mm 35. Et au presbytère, en fouillant un peu, les inspecteurs découvrent dans un tiroir un revolver. Après 10 heures d'interrogatoire, pendant lesquelles il nie l'évidence, l'abbé Desnoyers avoue, c'est bien lui qui a retiré la vie, par deux fois. Celle de cette jeune fille de 19 ans dont il était l'amant et celle de l'enfant qu'elle portait et dont il était le père. Le lendemain, le prêtre assassin fait la une des journaux locaux, nationaux et même internationaux. Adossé au compte-rendu de cette nuit d'épouvante, les lecteurs découvrent le communiqué de l'évêché de Nancy. L'opinion publique aura été cruellement frappée par l'annonce du terrible drame qui vient de survenir dans une paroisse de notre diocèse. Un tel acte est incompréhensible par sa monstruosité même. Il appartient à la justice humaine de suivre son cours. Bien sûr, mais la justice des hommes coupera-t-elle la tête d'un abbé? Le 5 décembre 1956, fin de matinée, les cloches du Ruf sonnent, le temps s'arrête de nouveau. Il y a 36 heures, elles annonçaient un malheur. Aujourd'hui, elles rappellent les paroissiens en sainte église. Régine était catholique. Ses parents, sa famille, ses amis, les gens du village le sont aussi. Et même si c'est un homme d'église qui a assassiné Régine, il se retrouve au sein de la maison pour l'enterrer, elle et son enfant. Dans la lueur des cierges, il découvre alors le nouvel homme de foi que l'évêché leur a envoyé. C'est un vicaire de Nancy. L'ecclésiastique emprunte l'escalier et s'installe à la chaire qui surplombe les paroissiens. Quelques jours plus tôt, au même endroit, c'était l'abbé Desnoyers qui s'exprimait devant eux, leur annonçant son absence. Après quelques secondes d'hésitation, le vicaire entame son homélie. La voix tremble, mais les sanglots cessent. Mes frères, l'humain est incapable de dire ce qu'il ressent quand l'inhumain a fait ce qu'il a fait. Je suis conscient de vous parler au nom des 700 prêtres du diocèse de Nancy, pour vous dire de quel déchirement nous avons souffert quand nous avons appris l'horrible chose. Nous sommes prêtres, et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Vous savez bien que ce n'est pas parce qu'il portait une soutane que nous sommes tous des assassins. Vous savez bien que s'il fut prêtre indigne, nous ne sommes pas tous des prêtres indignes. L'abbé Desnoyers était apprécié par les paroissiens, les paroissiennes, par les jeunes, les plus anciens. Arrivé en 1950, il a marié, baptisé et célébré les communions des enfants du village. Dévoué, entreprenant, charmeur, il était apprécié de tous. Dans le confessionnal ou lors de repas, ils lui ont tous livré leurs secrets et tous, désormais, connaissent le sien. L'abbé aimait le corps des femmes jusqu'à en oublier ses vœux. Mais certains paroissiens sur ces bancs d'église étaient-ils dans la confidence avant le drame? Et si oui, pourquoi se sont-ils tus? Face à la justice, sauront-ils faire face à l'ancien curé du village? Le procès de l'abbé Desnoyers s'ouvre le 24 janvier 1958. Comme 14 mois plus tôt, pendant la nuit du double assassinat, le froid balaye la place Stanislas, où se sont rassemblés au petit matin les curieux et les journalistes qui espèrent comprendre quel mal s'est caché derrière la soutane. Car c'est l'un des enjeux du procès, désacraliser l'assassin et essayer de comprendre la vie de cet homme qui a tué. Quand Guy Desnoyers arrive dans le box, les journalistes découvrent un homme de 37 ans, le cou maigre, le visage émacié, le regard creux. De son ancienne vie, il ne lui reste qu'une croix noire qu'il garde dans sa main. Pour se présenter au juré, Guy Desnoyers n'a pas fait le choix d'un joli costume du dimanche, chaussures brossées, vernis non. Non, il a préféré une chemise blanche, sans cravate, un petit veston noir, corseté. Au pied, il a mis des sandalettes d'été alors que dehors, la glace recouvre le sol. Comment ne pas voir sous cet accoutrement un curé de campagne? Quand on lui demande de déclarer son identité, Desnoyers indique. Guy, Marie, Louis, Henri, né à Gerbécourt. Profession, prêtre. Domicile, Uruf. Sur le banc des jurés, ils sont 7, tous lorrains et tous pratiquants, dont 5 très actifs au sein du mouvement Action catholique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cela n'a rien d'étonnant. Si aujourd'hui nos églises sont souvent désertes à l'époque, il était souvent mal vu d'être absent de l'office du dimanche. Le curé était un notable. Cette respectabilité n'était pas due à son instruction comme celle de l'instituteur, à ses relations comme celle du maire, non. À la foi et au secret que chaque paroissien lui confiait. Mais aujourd'hui, un prêtre est devant le prétoire. Notable ou non, les jurés doivent en principe oublier ces privilèges. Ils doivent juger non pas selon la classe sociale ou la religion, mais ils sont tenus d'écouter, de comprendre le parcours de l'accusé, puis, en leur âme et conscience, de reconnaître ou non la culpabilité de celui qu'on juge. Ici donc, c'est Guy Desnoyers, coupable, selon l'acte d'accusation, d'avoir assassiné une jeune fille de 19 ans, de l'avoir éventrée et d'avoir, avec un petit couteau de scout, ouvert des plaies vives dans le visage d'un bébé pas encore né. Comme pour chaque procès, l'audience débute par une biographie de l'accusé, de son enfance, jusqu'au soir du crime. À la barre, aucune personne de sa famille n'est citée, ni sa mère, ni son frère qui le reçut pourtant le soir du drame. De plus, on ne voit aucun camarade de séminaire, prêtre ou évêque qui ont pu le rencontrer et prier avec lui. Dès le lendemain du drame, l'évêché et l'église ont tout fait pour éviter que le drame du Ruf n'éclabousse l'institution et ne lève le voile sur les conditions de vie de ses serviteurs. Alors, volontairement ou non, le souhait de l'église est entendu. Guy Desnoyers est né 37 ans plus tôt au sein d'une famille lorraine de cultivateurs. Quand aime-t-il son chemin vers Dieu? Autour des 13 ans. Est-ce de son propre chef? Allez savoir. Il était un élève moyen. Le choix de devenir serviteur de l'église était un chemin comme un autre. La Seconde Guerre mondiale rompt un temps le cours de l'apprentissage que Desnoyers reprend dès octobre 1944. En 1946, il est ordonné puis nommé vicaire à Balmont. Est-ce là que l'abbé a rompu ses vœux de chasteté? Lors du procès, le président Jacques l'interroge sur ce point. Vous êtes immédiatement considéré comme un prêtre dévoué, serviable et actif, mais l'un de vos amis a rapidement décelé chez vous une absence presque totale de préoccupations intellectuelles. J'ai toujours eu beaucoup de mal pour apprendre. Mais tout de même, je lisais mes livres de théologie. On peut se demander si ce ne sont pas d'autres activités qui se sont substituées à celles-ci. Et nous allons malheureusement être obligés de les évoquer. Vous affirmez que vous n'avez pas eu de liaison féminine avant 1946, avant l'arrivée à Blamont. Je l'affirme. C'est pourtant dans ce village que Guy Desnoyers rencontre Madeleine, une jeune fille de 16 ans. Lui en a 26. Ils sont tous les deux vierges, et c'est ensemble qu'ils découvrent les plaisirs de la chair. Madeleine devient le nom de son premier péché. Avec elle, l'abbé met en place une sorte de mécanique qui lui permet de lier plaisir à sacerdoce, comme si les deux étaient conciliables. Après chaque relation sexuelle, le vicaire l'absout de ses péchés. Malgré ces relations, Desnoyers ira jusqu'à marier la jeune femme. Si le vicaire est emporté par le péché de luxure, en revanche, il se paye le luxe de ne pas être jaloux. Et pour cause, dès le départ du mari pour l'armée, l'abbé retrouve vite le chemin de la couche de la jeune femme. Oui, mais ses visites sont remarquées. Dans ces villages, comme dans tout village, si le silence est roi, la rumeur est reine. Les aventures du vicaire bruissent jusqu'à l'intérieur du confessionnal. Devant son supérieur, Guy Desnoyers nie, et il pense qu'il changera, mais rien n'y fait. On prévient l'évêché, et décision est prise d'éloigner le vicaire de sa Madeleine. Desnoyers quitte donc Balmont et rejoint Réon. Malgré la distance, on le voit pourtant de nombreuses fois aux abords du village, c'est que le curé n'abdique jamais. Madeleine n'est pas la seule amoureuse de l'abbé. Lors du procès, grâce aux éléments divulgués par le président, on découvre en effet que l'homme aime autant les jeunes filles que les femmes plus âgées que lui. Lorsque vous fûtes à Réon, vous avez fait connaissance d'une dame, une veuve, dans des circonstances assez pénibles. À Réon, un soir, une femme lui demande de venir pour donner le dernier sacrement à son mari mourant. Desnoyers accompagne l'homme jusqu'à son dernier souffle. Le départ acté, le vicaire obtient les faveurs de la femme devenue veuve quelques minutes plus tôt. Sont-ils déjà amants ? Bon, Guy Desnoyers n'est pourtant pas un bel homme, il a un physique banal, de larges lunettes, un front déjà dégarni, le regard creusé. Comment arrive-t-il autant à user de son rôle pour abuser ses proies ? Question intéressante, centrale même. Et pourtant, durant son procès, aucune amoureuse ou femme trompée par Desnoyers n'est appelée à la barre. On ne sait donc rien des mots et des promesses qu'il a pu faire. Aux questions du président, l'accusé Desnoyers répond toujours de façon succincte, presque détachée, comme lorsqu'il évoque cette veuve amoureuse. Cette personne vous semblait très attachée. Elle n'a pas hésité à faire en votre faveur des sacrifices matériels. Elle vous a prêté 50 000 francs pour vous installer à Uruf. Je ne m'en suis pas servi pour moi. Ne lui avez-vous pas dit qu'une voiture serait plus commode pour vous qu'une motocyclette ? Je le lui ai dit, mais je ne lui ai rien demandé. Elle vous a cependant prêté 150 000 francs, l'essentiel de ses économies. Les lui avez-vous remboursés ? Pas encore. Grâce à cette paroissienne, le vicaire peut désormais se déplacer où il veut, à bord d'une 4 chevaux. Les mois passent, et comme à Balmont, les langues se délient. On soupçonne le curé de céder au plaisir de la chair. On avait pourtant averti l'abbé en charge de Desnoyers qu'il devrait garder un œil sur ce jeune homme, mais celui-ci n'a pas réussi à contrôler les envies de Guy. Et une nouvelle fois, 4 ans après avoir été ordonné, on demande à Desnoyers de faire sa valise et de rejoindre une autre paroisse. C'est ainsi, en 1950, qu'il débarque à Uruf, qui vient de perdre son curé. C'est la première fois qu'il est à la tête d'une cure, tout seul. En quelques semaines, le nouvel abbé rompt avec l'image traditionnelle des curés de campagne, un peu vieillissants et fatigués, qui limitent leurs tâches à l'office, au sacrement et au déjeuner chez les paroissiens qui l'accueillent. L'abbé Desnoyers, lui, est jeune, actif, sportif. Il joue au foot, organise des séances de cinéma ainsi que des pèlerinages où se mélangent foi et découverte. Sauf que, lors de ses voyages, l'abbé en profite. À la barre, l'un des inspecteurs raconte ce qu'ont déclaré certaines paroissiennes lors de ses escapades. L'un de ses voyages se déroule sur la Côte d'Azur. Durant cette retraite, la petite troupe décide de se baigner sur une plage déserte du Lavandou où on ne trouve ni cabine ni arbre pour se cacher, pour enfiler son maillot. C'est là que l'une des paroissiennes, un peu plus âgée, surprend l'abbé qui étend sa soutane en paravent pour cacher les corps des jeunes filles du regard des autres, oui, mais pas du sien. Malgré la situation, la paroissienne gardera silence. Ce n'est qu'au lendemain du crime qu'elle raconte cette anecdote troublante. Mais est-ce le seul écart de l'abbé ? Parmi ces jeunes paroissiennes, il y a Michel. Quand elle tombe sous ses charmes, elle n'a pas encore 16 ans. Les mois passent, les rencontres se succèdent. Et ce qui devait arriver arrive. La jeune fille tombe enceinte. L'absolution ne peut rien contre la nature. Devant elle, Guy Desnoyers reprend ses apparats de curé, convainc la jeune fille de quitter la ville pour accoucher et abandonner l'enfant. À ses parents, la jeune fille invente l'histoire d'un rôdeur et d'un viol, ce que la famille accepte de croire. Comme promis, Michel accouche loin du village, puis rentre seul. Selon ses dires, l'enfant serait mort-né. Était-ce la première fois que le curé a dû faire face à ce problème? On ne sait pas. Est-ce que cette mésaventure remet Guy de Noyer dans le droit chemin, dans son sacerdoce? Là, on sait, c'est non. Michel a une amie, jeune et jolie comme elle. Son nom, enfin son prénom, Régine. Et elle aussi tombe sous le charme de l'abbé. Et en avril 1956, elle lui apprend qu'elle est enceinte, mais elle refuse d'abandonner le bébé. Comment l'abbé réagit-il? Comment peut-il vivre alors que dans le corps de cette fille, le péché prend forme? Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes, le bruit de tes cris maintenant. Tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps. Tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes. Et je reste de glace, méfiante, prudente. Tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends. Et je guette, je vais saisir entre mes dents. Je guette l'instant où tu vas pantelant. Reprendre ton souffle qui s'essouffle, s'essouffle. Ça ne tardera pas, attends. Alors, démente mais lente, je me déplace lentement. Mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents. Ma bouche si douce gratte la feuille et les serpents. La folie, la furie, je hurle vengeance. Je n'épargnerai rien à temps. La terre s'ouvre, s'ouvre, c'est fini, c'est fini. Plus de loup, va-t'en, va-t'en, va-t'en. La vie de Régine Feiss bascule sans doute en avril 1956 quand elle annonce à l'abbé être enceinte de lui. À la barre, le président Jacques interroge Desnoyers sur cette annonce. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Un sentiment de crainte. Vous vous trouvez donc dans la même situation que 2 ans auparavant. Quelle solution envisagez-vous? À cette époque, je n'envisageais rien. N'est-ce pas vous qui avez suggéré à Régine la manière dont elle devait apprendre la nouvelle à sa famille? Elle l'a fait en dehors de moi. Elle m'avait dit que jamais personne ne saurait. Une promesse que Régine a tenue, mais elle n'a pas répondu à tous les souhaits de l'abbé. À l'inverse de Michel, elle refuse de quitter le village et décide de garder l'enfant. Par chance, ses parents acceptent d'accueillir ce bébé dont ils ne connaissent pas le père. Semaine après semaine, le ventre de Régine grossit. Pour les gens du village, l'enfant est désormais une femme qui sera bientôt mère. Pour l'abbé, Régine n'est que le miroir de son péché. Elle porte en elle un enfant qui aura bientôt ses traits, alors que peut-il faire ? Durant l'audience, le président interroge Desnoyers sur les différents choix qui s'offraient à lui. Oui, il aurait pu avouer sa faute, abandonner son sacerdoce et reconnaître l'enfant, ou alors se suicider, ou bien demander de l'aide à l'évêché pour trouver sans doute un nouveau refuge. Mais Guy Desnoyers a écarté chacune de ces solutions. Pourquoi? Eh bien parce que je suis prêtre, répond-il. Pourtant, durant cet automne 1956, Guy Desnoyers fait un choix, celui de tuer, même s'il est prêtre. Dans la salle d'audience, quand on en vient à l'évocation de la nuit du 3 décembre, tout le monde espère comprendre les derniers instants d'Origine et de son enfant. Desnoyers cherche ses mots. Il dit au président que rien n'était vraiment prévu. Pourtant, lors de l'office, il avait annoncé son départ du RUF pendant quelques jours. Il avait donné rendez-vous à Régine le lendemain, en fin de journée, près du calvaire, en dehors du village. Et puis dans le vide-poche de la voiture, il y avait un revolver. À son arrivée, Régine entre dans sa voiture, ne craignant rien. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? J'ai dit à Régine, qui était assise à côté de moi, « Je vais te donner l'absolution. » Et j'ai ajouté, « Est-ce que tu me pardonnes ?» Elle a murmuré, « Oui, je te pardonne, mais je ne veux pas de ton absolution. » J'ai insisté. Alors elle a haussé les épaules avant de descendre de voiture. « Tu m'ennuies, je rentre à pied. » Elle a fait quelques pas, me tournant le dos. Je l'ai appelée de nouveau, sans succès. Alors je suis descendu à mon tour. Elle arrivait près de la haie d'arbuste quand j'ai tiré. J'étais à 1 mètre d'elle. L'abbé tire alors le corps vers le fossé. Et puis, à la lumière de ses phares, à l'aide d'un petit couteau de scout, il effectue une césarienne. L'enfant est vivant. Il le baptise, puis il le tue. De ce double crime, il ne reste que les photos qu'on présente aux jurés et les mots de l'assassin qui était le seul témoin de ses derniers instants. Les jurés découvrent les visages de l'enfant lacérés de coups de couteau, les yeux crevés. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Depuis 14 mois que je suis en prison, j'ai réfléchi. J'ai pensé. Je ne cherche pas à nier quoi que ce soit. Mais les causes en elles-mêmes, je suis incapable de les déceler. Cela me dépasse. La scène qui a suivi la mort de Régine, comment peut-on l'expliquer ? Vous avez dû aussi réfléchir depuis 14 mois. C'est un état d'esprit que j'avais à l'époque. C'est une scène que je ne peux plus avoir devant les yeux. Je ne peux plus être le même homme. Les coups que vous avez portés, je dois les admettre, puisque les constatations sont là. Mais je suis bien incapable de me souvenir comment je les ai donnés. Au juge, Desnoyers ne sait quoi dire, comme aux 10 témoins qui se succèdent à la barre. Il y a là les différents inspecteurs, le médecin légiste, ainsi que la mère de la victime. Elle raconte sa première rencontre avec Desnoyers, qu'elle continue d'appeler Abbé. Elle évoque ses bonnes manières, ses conseils lorsqu'ils ont appris la grossesse de Régine. On entend également le maire du village, Monsieur Arnaud, employé à la SNCF. Il dépeint un homme serviable, de jour comme de nuit. Il n'a reçu aucune plainte de ses administrés. Oh, il a bien entendu, comme d'autres, les rumeurs, mais il n'y faisait pas attention, car ses on-dits étaient bien éloignés de l'homme qu'il écoutait chaque dimanche lors de l'office. À la barre, on ne voit aucune des maîtresses de l'abbé, aucune personne pour décrire le guide Desnoyers des basses œuvres, si opposée à l'image d'Épinal d'un curé campagne. Alors, c'est vers la science que la cour se tourne. 3 psychiatres ont eu la charge de déterminer si oui ou non l'homme de foi était devenu fou. Pour éviter toute discussion, la cour a désigné 3 médecins de 3 villes différentes, Paris, Strasbourg, Nancy. À la barre, les 3 professeurs confirment leur rapport. Ils n'ont trouvé ni tare psychologique, ni perversion fondamentale, ni trouble épileptique. L'homme est donc sain d'esprit. Selon la loi, abbé ou non, c'est donc l'échafaud qui rendra justice de ces 2 crimes. Et c'est le bâtonnier Robert Gasse qui trace le premier ce chemin vers la peine de mort. À l'heure où dans nos églises montent vers le ciel des prières expiatoires, je voudrais avoir tout simplement une pensée pour celles dont les restes reposent sous la neige, dans le petit cimetière du RUF, auprès de son enfant qu'elle n'a pas connu. Voilà Desnoyers. Je ne sais si le Dieu de bonté et d'amour aura pour vous quelque indulgence à l'heure peut-être proche de la mort. Je n'ai à connaître, moi, que la justice des hommes. Elle ne peut pas vous pardonner. Desnoyers avoué. Coupable, il l'est, mais peut-il prétendre bénéfice de circonstances atténuantes ? Pour le procureur général, Guy Desnoyers a trompé tout le monde, tout bafoué. L'acte était prémédité. Il a donné rendez-vous à Régine en dehors de la ville pour ne pas être vu. Et puis il y a le lieu du crime, une route éloignée, un petit bosquet. Le revolver était dans la voiture. La veille, lors de l'office, il avait prévenu ses paroissiens de son absence, ce qui aurait pu lui permettre de trouver un mobile. Donc, le crime n'était pas un hasard, mais un choix qu'il avait élaboré, accepté. Pour le procureur, l'homme qu'on appelait Abbé n'est plus qu'un assassin qui mérite la mort, deux fois. L'avocat commis d'office pour sa défense espère un autre verdict pour son client, bien sûr. Et à la barre, il imagine la vie d'un prêtre forçat. Comme sur l'avocat, pour sa dernière intervention, Guy Desnoyers en appelle à Dieu devant les jurés. Je vous ai paru sans doute antipathique au cours de ces débats. Sans aucune sympathie, en tout cas. Encore une fois, je reconnais mes fautes passées. Je vous l'ai dit, je n'en connais pas les causes. Je demande pardon à Dieu, à la famille de mes victimes, à l'Église, à qui je fais passer actuellement des heures tragiques, et à la société tout entière. Je reste prêtre. Je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à vous, parce que je sais que devant moi, vous tenez la place de Dieu. Après une heure de délibération, le président s'avance pour lire le verdict. Le procès n'a duré que 10 heures, plaidoirie et réquisitoire compris. Aux 4 questions qui leur étaient posées, le double crime, l'infanticide et la préméditation, les jurés répondent « oui ». L'accusé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? À la majorité, les jurés répondent également « oui ». Mais quelles sont ces circonstances atténuantes ? À aucun moment elles n'ont été évoquées. Aucun témoin n'a parlé de la vie de ce prêtre assassin. Aucun curé n'est venu témoigner du quotidien d'un abbé de campagne, du poids de la chasteté. Et pourtant, le prêtre n'aura pas la tête tranchée. Il est condamné aux travaux à perpétuité. La justice a-t-elle failli ? Qu'est-ce qui a sauvé la tête de Guy Desnoyers ? Sa foi ou la parade de celle-ci ? Find Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du curé d'Uruf, notre invité Anne Philibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et auteur du livre « Des prêtres et des scandales », édité en janvier dernier aux éditions du Cerf. Et d'ailleurs, je vais m'appuyer sur le livre pour vous poser une première question. Je lis simplement les premières lignes de votre livre. Vous dites « Un ami historien et catholique pratiquant m'a dit fin 2015 que dans la crise des prêtres pédophiles, ce sera intéressant qu'un historien étudie la question générale du scandale causé par des prêtres dans l'Église. Manière aussi de prendre un peu de recul face à l'actualité et de ne pas laisser le monopole du propos aux médias. Historienne de formation, magistrat administratif un temps, j'avais travaillé sur les figures de l'abbé Félicité de la Menée, et de l'abbé, plus tard le père Henri Lacordaire. Il s'agit de deux des trois prêtres les plus célèbres de l'Église de France au 19e siècle, le troisième étant le saint curé d'Ars. J'avais pu mesurer à travers ces deux vies que le scandale est une réalité souvent complexe. Personne n'aurait l'idée de penser que le scandale est effectivement une réalité simple. Mais en quoi est-ce complexe, en l'occurrence, et sur ce terrain-là? Alors en fait... Parce que le scandale, dans la doctrine traditionnelle de l'Église catholique, c'est ce qui est mauvais ou c'est ce qui paraît mauvais. Et donc, en fait, ça ouvre un champ des possibles extraordinaire. Ah, il paraît mauvais. Voilà. Oui. Donc, en fait, un prêtre qui, dans certains cas, va complètement imiter le Christ, peut aussi causer du scandale. Il y a certaines formes de charité qui sont insupportables pour les bons paroissiens. Un exemple que mentionne par exemple Marguerite Duras quand elle parle d'un prêtre qui revient de captivité en Allemagne et qui a ramené avec lui un enfant allemand orphelin. Donc ce prêtre-là n'est pas un pédophile, c'est un prêtre qui a vu cet enfant qui avait perdu toute sa famille au moment de la chute du nazisme, qui le ramène et qui dit ben cet enfant-là n'est pas responsable des crimes qui ont été commis dans son pays. Et ça fait scandale, parce que les femmes qui attendent le retour de leur mari, de leur fils ou de leur frère de déportation ne peuvent pas accepter, ce que dit Marguerite Duras dans La Douleur, que ce prêtre se soit autorisé à pardonner avant tout le monde. D'autant plus que c'est illégal, et là on tombe sur un débat qui n'est pas d'aujourd'hui, la justice des hommes et la justice de Dieu. Oui, mais là, on va dire que dans les circonstances tellement particulières de l'Allemagne année zéro, peut-être que cet enfant aurait été condamné à manger des racines. Je n'en sais rien. Enfin, oui, je n'en sais que ce que raconte Marguerite Duras. C'est-à-dire, voilà. D'un côté, il y a la morale, qui peut être chrétienne ou civique, et puis de l'autre, il y a le droit. Il y a toujours un télescopage. Oui, tout à fait. Il est classique. Il y a aussi dans le droit ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, maintenant parlons de la hiérarchie de l'Église. Elle a été et elle est souvent aveugle et sourde à ce qui se passe parce qu'elle ne peut pas imaginer que ça arrive. C'est le côté faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Là, en l'occurrence, et peut-être même sur d'autres affaires, est-ce que l'Église est arc-boutée sur ce principe-là ou est-ce qu'elle cache les choses et les événements de façon tout à fait consciente? Alors, de quelle église parlez-vous? De quelle église de quelle époque? Peut-être périodiser. Oui. Moi, j'aimerais qu'on parle d'aujourd'hui, mais on peut aussi trouver les explications. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur ce qui aujourd'hui est perçu comme insupportable et qui ne peut plus continuer à se produire. Voilà. Donc, en fait, ça finit par porter atteinte à une doctrine, donc, qui était une sorte de bloc vraiment constant, depuis le Concile de Trente et peut-être même avant, qui était que quand un scandale est public, il faut une réparation publique. Quand un scandale est secret, il faut essayer de l'étouffer, puisque, en fait, dans la mesure du possible, on se dit que chaque personne qui aurait connaissance de ce scandale secret risquerait d'être affectée, notamment dans sa vie spirituelle ou dans le regard qu'elle porte sur le clergé, etc. Et que donc, ce serait très ennuyeux, parce que des gens pourraient, par exemple, perdre la foi, de dégoût, je ne sais quoi. Donc là, on est en train de comprendre aujourd'hui que quand un enfant se fait agresser comme ça, dans un presbytère, etc., il n'y a peut-être pas d'autres témoins que la victime, mais qu'en fait, ce scandale, du fait de sa gravité, a un caractère éminemment public, même si au moment des faits, en fait, il n'y a pas d'autres témoins. Voilà, donc là, aujourd'hui, il y a une réflexion sur le fait que ce critère-là, scandale secret, scandale public, en fait, n'est pas opérant, pose de sérieux problèmes. Parce que, traditionnellement, ça aboutissait au fait que, par exemple, un prêtre qui écrivait un livre destiné à la publication et publié, qui pouvait donner lieu à discussion. Ce prêtre pouvait être sanctionné de façon très très grave, parce que le livre étant publié, on disait c'est du scandale public. Dans le cadre public, voilà. Donc aujourd'hui, on prend conscience des limites de ce cadre, en fait, de cette espèce de logiciel. On prend conscience que ça n'est pas possible, parce que ça a laissé passer des choses qui ne sont plus supportables. Et alors pourquoi avez-vous réfléchi sur l'Église de France, hein, du Concile de Trente au lendemain du Concile Vatican II? Alors, Vatican II, on comprend la frontière que ça a constitué, Vatican II, dans l'histoire de l'Église catholique. Ça a été une rupture, ça a été une grande avancée, après ça s'est arrêté. Mais il y a eu quand même, sous l'impulsion de Jean XXIII, une poussée dans la modernité. Et la modernité, c'est peut-être aussi la fin partielle du secret. Est-ce que le Concile Vatican II a fait la lumière ou a lancé le message selon lequel l'Église ferait bien de faire la lumière sur ses propres turpitudes ou pas? Alors, je ne pense pas que le terme de turpitude ait été employé, encore je ne suis pas vraiment une spécialiste du Concile Vatican II. Disons qu'au Concile Vatican II, il y a eu un moment très important, c'est quand le cardinal Frings, donc qui était l'archevêque de Cologne, est intervenu publiquement pour dénoncer les méthodes du Saint-Office, en disant que le Saint-Office, qui est en fait l'héritier de la congrégation de la Sainte Inquisition, que le Saint-Office, dans sa façon de travailler, ne respectait pas les droits de la personne, ne respectait pas le principe du contradictoire, imposait le secret aux gens qu'ils étaient en train de censurer, etc. Et c'est à un tel point que, par exemple, le futur cardinal Congar, donc qui lui aussi a eu des ennuis avec le Saint-Office, dans ses écrits personnels de l'époque, dit que en fait, ça lui fait penser quasiment à la Gestapo. Il fait pas la différence. Enfin, bon, on va dire torture physique mise à part. Voilà. Donc ça a été dénoncé publiquement par le cardinal Frings. Et ça a été un moment extrêmement important, parce qu'effectivement, même des gens parmi les plus hauts placés dans l'Église, à un moment, on dit, là, ça n'est plus possible, ça suffit. Et on s'est rendu compte en France, dans un cas très particulier, donc c'est en 1966, l'abbé Marc Horizon, donc qui était un théologien moraliste, qui avait vraiment des ennuis avec le Saint-Office depuis 1953. En 1966, il y a encore une affaire qui sort. Et à ce moment-là, beaucoup de gens viennent à son secours, notamment même des jeunes évêques, parce que les gens considèrent que si on continue à laisser le Saint-Office agir comme s'il n'y avait pas eu le Concile Vatican II, en quelque sorte, ça veut dire que le Concile, en fait, a été juste de l'affichage et n'est pas devenu une réalité dans l'Église. Ouais. Et à ce moment-là, le Saint-Office lâche prise. Voilà. Mais par contre, pendant ce concile, dans les textes en tout cas, rien n'est mentionné concernant la situation, par exemple, des enfants victimes d'abus sexuels, etc. Parce que là, sur ces questions-là, la pudeur est extrêmement profonde, etc. Mais la question est beaucoup plus générale, parce qu'en ce qui me concerne, quand j'étais élève à l'ENA en 1990, j'avais fait partie d'un séminaire sur la maltraitance à enfants. C'était un travail assez important, un groupe. On avait été rencontrer un tas d'intervenants. Et en fait, presque personne ne nous avait parlé de la maltraitance sexuelle. Ouais. En 1990. C'était hier, hein? Oui, c'était hier. Bon. Un peu plus loin dans votre livre, vous ajoutez, on est là dans le même ordre d'idées, la tentation pourrait être, pour se soustraire au risque du scandale, de ne rien faire et de ne rien dire. C'est pas ce qui s'est passé avec le cardinal Barbarin, par exemple? Alors là, votre question est très large, parce que, donc là, vous souhaitez que j'analyse de la position qu'a prise le cardinal Barbarin? Oui, au regard de tout ce que nous disons là. On se raccroche à l'actualité, fait palpable, réel, récent. Oui, alors bon, personnellement, donc je ne suis pas du diocèse de Lyon, donc j'ai la connaissance qu'on a en général quand on a entendu parler de ça. Et puis effectivement, j'ai beaucoup aimé donc le film Grâce à Dieu, que j'ai trouvé très touchant, très pudique, très juste. Oui, très touchant, vraiment. Je pense qu'il a fait vraiment réfléchir beaucoup de gens. Donc ce film est vraiment une bonne action, une action de lucidité. Voilà. Et c'est vrai que le cardinal Barbarin, en tout cas dans la façon dont c'est présenté dans ce film, on voit effectivement une sorte de discours sur « je suis du côté des victimes, je suis du côté des victimes », etc. Et puis en même temps, on se dit « mais comment ça se fait que ce prêtre est encore en fonction ?» Eh oui. Là, il y a vraiment un problème. Forcément. Là, il y a vraiment un problème. Donc il y a un problème en quelque sorte, on va dire à la fois de débriefing, pour qu'est-ce qu'il a fait, qu'on fasse vraiment le point, etc. Et puis après, il y a une question qui est « mais pourquoi on le laisse en circulation ?» Voilà, parce que là, en fait, disons que pour les victimes, pour leurs familles, etc., c'est insupportable de voir quelqu'un comme ça en circulation. C'est pas possible. Mmh. Évidemment. Voilà. Et ça menace d'une façon générale, on va dire, ça menace le corps de l'Église. Alors justement, puisque ça menace le corps de l'Église, le simple fait de parler et d'enquêter, évidemment, est-ce que vous avez rencontré des résistances? Alors, il faut quand même préciser que parmi les gens qui sont les plus outrés par les abus et les scandales dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui sont eux-mêmes membres du clergé. Mmh. Hein ? Alors, par exemple, je cite dans mon livre le cas d'un évêque tout à fait exceptionnel qui est mort en fonction à 93 ans, tout à fait lucide. Donc, c'était le grand évêque d'Amiens, de la ville d'Amiens sous le règne de Louis XV, Monseigneur d'Orléans de la Motte, et lequel disait « La grande croix que Dieu fait peser sur mon épiscopat, ce sont les mauvais prêtres. » Et il disait « À chaque fois que je dois en ordonner des prêtres, je tremble, parce que je me dis que dans le lot, il y aura peut-être des mauvais prêtres. Ouais. » Voilà. À tel point qu'il avait même songé à un moment à démissionner. Sauf que la démission ne peut être acceptée que par le pape. Donc en fait, cette question que vous me posez là sur le silence, en fait, il n'y a pas un silence sur tout et de la part de tout le monde, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont préféré, au nom de la vérité, qui ont considéré que la vérité était indispensable à l'Église, forcément. Elle était curative, peut-être. Mais bien sûr, et puis qu'elle était absolument nécessaire. Donc, Jésus dit « Je suis la vérité », etc. Il y a des gens qui ont toujours dénoncé les abus. Mm. Mais il y a aussi eu des gens qui étaient dans des logiques différentes, et parfois avec la meilleure bonne foi du monde. Et puis, dans certains cas, on se dit aussi que, en fait, effectivement, il faut aussi du courage pour dénoncer. Oui. Et on peut aussi penser qu'il y a eu des situations où peut-être que des évêques étaient peut-être un peu coincés par des prêtres qui peut-être avaient des choses à dire sur eux aussi. Oui. Voilà. Bon, tout ça s'appelle quand même l'omerta. Oui. On va se retrouver, continuer à parler de cette problématique. On reviendra sur plus spécifiquement sur le curé du Ruf, Anne Philibert, tout à l'heure, dans 3 minutes. Anything I do, I want you here. You don't know what it's like to be around you. I still got my fear. It's a way you say yes when I ask you to marry me. Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'histoire du curé Duruf, Guy Desnoyers de son vrai nom, Anne Philibert, vous venez d'écrire, vous avez fait publier au début de cette année des prêtres et des scandales, et plusieurs alertes concernant Desnoyers. L'évêché était au courant, pourtant on décide de lui confier une paroisse. Et tout à l'heure, vous parliez d'un évêque qui, en ordonnant certains prêtres disait, pourvu qu'il n'y ait pas des brebis égarées là-dedans, tranquille, on lui confie une paroisse, alors qu'on est au courant. C'est quoi ce mécanisme? C'est quoi cette façon de faire? Ça rejoint beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure, aussi peut-être que l'Église pensait que ça allait rester dans la sphère privée. Alors, j'ai pas tout à fait la même analyse que vous, puisque quand Monseigneur Lallier, donc qui était l'évêque de Nancy, l'a rencontré suite à toutes les rumeurs concernant sa relation avec une jeune fille, la première jeune fille, celle qui a 16 ans, Guy Desnoyers, en fait, tombe à ses genoux et lui dit qu'il est totalement innocent. Donc, en fait, l'évêque le croit, voilà. Bon, c'est ennuyeux, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Et bien sûr, à partir du moment où l'évêque a cru à la bonne foi de l'abbé, celui-ci peut recommencer. Donc en fait, on a l'impression aussi que l'effet d'expérience n'a pas du tout agi. C'est ça. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de retour d'expérience. Non, il n'y a aucun retour d'expérience, parce que je pense que ce qui caractérise ce prêtre, c'est une totale immaturité psychique. Il fait des actes qui sont effectivement monstrueux, parce qu'on a du mal à les décoder. Mais en fait, il y a une espèce de totale immaturité psychique, parce que voilà, il tue cette femme et donc le bébé aussi, parce qu'il est dans un état de panique complète. En même temps, il se souvient quand même qu'il est prêtre, donc en fait, il baptise l'enfant, mais c'est complètement hallucinant. C'est un acte hallucinant. C'est complètement hallucinant, mais parce qu'il a sans doute un vague souvenir que dans les manuels de théologie morale, on dit que quand une femme meurt en accouchant, il faut sortir l'enfant et le baptiser. S'il est vivant, et si on pense qu'il est peut-être vivant, le baptiser aussi. Alors il a sans doute ses vagues souvenirs de toutes ces choses qu'il a eu du mal à se rentrer dans le crâne, parce que apparemment, selon le plan intellectuel, il n'est pas non plus très, très futé. Et donc il fait ça, et alors dans cette espèce de panique et dans cette espèce de souvenir de ses cours à l'école, il oublie quand même quelque chose qui est fondamental, c'est le décalogue, et c'est le « tu ne tueras point ». Oui, effectivement. Voilà. C'est là où on se dit, voilà, on est quand même dans un cas extrêmement sidérant. La France entière a été sidérée, et ça pose la question fondamentale de pourquoi ce prêtre a-t-il été ordonné? Bien sûr. Là, on remonte au niveau de la gouvernance. Bien sûr. Quel était le rôle de l'Église dans la préparation du procès? Est-ce qu'on sait ça, si l'Église s'est vraiment investie, ou si elle s'est dite, bon voilà, c'est dans la sphère publique, après tout, bah maintenant c'est la justice des hommes? Oui, alors en fait, ces événements arrivent au moment où il y a en fait une vacance à l'évêché de Nancy. Puisque en fait, le 28 septembre 1956, le pape Pie XII nomme Monseigneur Lallier à l'archevêché de Marseille. Là, il est nommé, il n'est pas encore tout de suite à l'archevêché. Mais bon, il est déjà sur le départ, et que son successeur sera désigné évêque le 26 janvier 1957. Donc, vous voyez, là, il y a quand même une vacance. Et donc, en fait, il y a ce premier point. Et puis ensuite, redites-moi votre question, parce que là, j'ai un petit blanc. Le seul problème, c'est qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vous demandais si l'Église s'était investie dans la préparation du procès. Écoutez, je ne pense pas, a priori, je ne pense pas. Mais en tout cas, dans le communiqué de l'évêché de Nancy du 5 décembre 1956, il y a cette phrase importante qui est que la justice humaine suit son cours et on la laisse faire son travail. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Anne Philibert, des prêtres et des scandales aux éditions du Cerf. C'est une lecture très instructive, c'est un gros, gros travail. Merci. Au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'histoire du curé Duruf, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaire Sensible des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Stéphane Beauja qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Romain Weber, Jean Bulot, Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Perez. Réalisation, Koyen Guyen, Hélène Bizio, Benjamin Riquet et Jérôme Chélius.